romantisme, mais oui. Et c'est pas jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie. Allô, police, joue à minuit des trombones à la coulisse. Y'a des soirs où ça sent le stupre et le vice. Une honte à mon avis. Et c'est pas jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie. Allô, police, vu son accent, c'est un juif ou un métis. Ce qui fume, c'est pas du papier maïs. Sûrement quelque chose interdit. Et c'est pas jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie. Autres comme d'un vieux bâton de réglisse. Ils mettent le feu qu'ils barbouillent de dentifrice. Apportez ma tête aussi. Allô, police, quelqu'un m'a pris ma petite fiancée, ma mise. M'a enfoncé dans le cœur un tournevis. Le voisin ou quelqu'un d'ici. Et c'est la jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, jalousie.